السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد. Donc la dernière fois on avait pris deux hadiths comme à notre habitude. Le premier des deux c'était que ما نحل ولد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. Que le père n'a pas accordé de don meilleur et préférable à son enfant que le bon comportement. Que l'exemple du bon compagnon ou du mauvais, c'est comme l'exemple du vendeur de parfum et du souffleur de verre dans une version du forgeron. Que cela te rapportera forcément un minimum d'impact sur toi, en bien si c'est un bon compagnon ou en mal si jamais c'est un mauvais. اليوم سنأخذ في نأخذ الحديث 69 و 70. طيب، donc on va prendre maintenant 69e حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردع المؤمن من حجر واحد مرتين. Donc il a dit النبي الحديث متفق عليه. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que le croyant ne se fait pas mordre deux fois. Hein, d'un même trou. C'est-à-dire, non. Et il y a l'expression qui existe. D'accord? On ne tombe pas deux fois dans le même trou. Même chez les koufars, c'est une expression qui existe. C'est une sagesse qui existe et qui est connue, donc c'est-à-dire qu'elle est unanimement reconnue. Non. Mais nous, en tant que musulmans, cette chose-là, on la voit encore plus loin. Plus loin que ce que eux veulent. Les koufars. يقول هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن وأن المؤمن يمنعه إيمانه من الاقتراف السيئات من اقتراف السيئات التي تدره مفارقتها وأنه متى وقع شيء منها منه فإنه في الحال يبادر للتوبة والإنابة. Donc c'est un exemple que le Nabi صلى الله عليه وسلم a donné pour que le musulman soit sur ses gardes et que justement le mu'min il a une foi qui normalement doit l'empêcher de commettre du mal. Vous voyez, de commettre du mal, un mal qui lui sera préjudiciable par la suite. Et quand bien même il viendrait à ce que ce mu'min tombe dans ce mal, alors il se hâte et se précipite à se repentir et à rectifier, à corriger. Yaqul, donc il fait tauba. Et c'est là justement la nuance qu'il y a entre nous et les koufars par rapport à ce hadith, par exemple. ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب كحل من أدخل يده في حجر فرضعته حياء فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الحجر لما أصابه فيه أول مرة. Donc fait partie justement d'une toba complète, d'accord, que la personne prenne garde des causes qui l'ont mené à tomber dans la transgression. C'est pas seulement il se contente ou il évite la transgression. Ou du moins, c'est que également les choses qui l'ont fait tomber dans cette transgression, il en prend garde. Il fait attention. Il dit à l'exemple d'une personne qui aura mis sa main dans un trou, et de là, il serait fait mort par un serpent. D'accord ? Lui, le problème, à l'avenir, ce n'est pas seulement de se faire mort par un serpent, mais vous verrez que sa main, il ne la mettra plus dans un trou. De peur que cela ne se reproduise. Même s'il n'y a pas de serpent ou quoi, il dira ça, j'ai déjà goûté une fois, c'est bon, j'ai mis ma main une fois dans un trou, je ne referai pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le trou, je ne sais pas ce qu'il y a, voilà, j'évite. Voyez ? Donc celui qui a commis une faute, un péché, quand il se repent, il médite, qu'est-ce qui m'a fait tomber dans cette erreur ? Il voit les causes qui lui ont mené. Et de là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, pareillement, il craindra, même si elles sont permises les causes de base, mais qu'elle emmène à tomber dans ce mal, alors il les évite. Il dit pourquoi ? Car j'ai fait un péché, il m'a fait tellement de mal à mon nefs, et j'ai tellement de regrets et tellement de remords, d'accord ? Et peut-être qu'il a fait du mal à des gens que je ne veux plus recommencer. Je suis déterminé à ne plus recommencer. Et de là, qu'est-ce qu'il fait ? Alors il ferme toutes les portes qui l'ont mené vers cette transgression. Donc faut bien comprendre cette hikma. Ya ibadallah. C'est pas seulement on arrête le péché en soi, mais également on médite sur les causes qui nous ont fait tomber dans ce péché pour les délaisser également pour ne pas que cela se reproduise. Au maximum, quelqu'un qui aura commis un péché et tu le vois toujours tourner autour de l'environnement menant ce péché, on dira, Harry, t'as pas compris la leçon. Tu n'as pas compris la leçon. Par exemple, quelqu'un qui buvait de l'alcool, qui a bu de l'alcool, il en était ivre, après il regrette. Et après, on le voit toujours tourner dans des lieux où il y a de l'alcool. On dit, Harry, t'as pas compris. Là, maintenant, tu t'exposes à la tentation. Que t'aies pris la décision d'arrêter de boire, c'est une bonne chose. Que tu regrettes que t'aies bu, c'est une bonne chose. Mais là, t'es dans un lieu où il y a de l'alcool qui est à ta portée. D'accord ? Donc toi, déjà, fais l'effort d'éviter ce genre de lieu et ce genre de situation. Tu t'es fait mordre par le serpent. Une fois, ne remets pas ta main dans le même trou. يقول وفي الحديث الحث الحث على جزم على حزم عفوا والكيس في جميع الأمور ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليجتنبها. Et ce hadith également nous appelle à être déterminé et à faire preuve d'intelligence en toute situation. مثلا de connaître les choses, les causes qui sont profitables afin de pouvoir les saisir. Et connaître les choses mauvaises, situations mauvaises et causes mauvaises, afin de pouvoir les éviter. Donc celui qui a vu une chose qui était profitable, et qui ne veut pas qu'elle lui échappe, s'il l'a déjà échappé une première fois, alors il fera en sorte de faire les causes pour lui permettant de pouvoir obtenir cette chose qui lui a échappé une première fois. Il a compris que comme il n'a pas fait telle et telle chose lui a échappé. On parle en cause. Maintenant, le cordeur, c'est autre chose, mais on parle, mais c'est là, non ? Question des causes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois ? Dès qu'il y aura l'occasion qui va se représenter, il va foncer pour obtenir ce bien. Et pareil pour le contraire. Celui qui aura vu un mal, et ce qui l'aura mené à ce mal, même dans les choses de Dunia, il a fait un commerce, il a fait, je ne sais pas, il est entrepreneur ou autre, il a vu des choses qui ont nui à son commerce, des erreurs qu'il aura commises, il va les éviter à l'avenir. Et c'est comme ça qu'on prend de l'expérience. Par nos erreurs. Mais l'erreur, le problème n'est pas de faire l'erreur, le problème est de répéter l'erreur. C'est là que les gens vont dire, mais t'as pas compris toi. D'accord ? L'erreur, on est obligé de la commettre. C'est inévitable, c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est qui a appris concrètement, qui a pris expérience ? C'est celui qui a compris l'erreur, donc il ne la recommence pas. Donc ce hadith nous appelle à cela. Ah mais quelqu'un qui a fait une erreur. Les gens vont dire, t'as fait une erreur. T'as dit, voilà, ça arrive à tout le monde. Et après, t'en prends quelques temps après, que la même erreur, il a refaite. Là, on va le blâmer, on va dire, Harry, t'as pas compris. Ou Ourti, tu n'as pas compris. Cette chose-là, elle t'a nu la première fois. Pourquoi tu recommences? Tu vois? Alors que dire s'il fait 3 fois, 4 fois, 5 fois? Les gens vont dire, lui, il réfléchit pas. Il ne réfléchit pas à ce qu'il fait aux conséquences de ce qu'il fait. Donc, ce hadith nous enseigne cela, que ce soit dans la religion par rapport aux fautes qu'on commet, que lorsqu'on fait Tauba, également, parmi les choses qui complètent la Tauba, c'est d'éviter les causes qui nous ont menés vers ce péché. D'accord? Et dans la dunya, les choses qui nous ont échappé. D'accord ? Lorsque l'occasion se représente, on évite les causes qui nous ont fait perdre cette occasion-là. On la saisit. Et les choses qui nous ont profité, on continue dessus. Et les erreurs qu'on a commises, on en tire leçon et on évite de les reproduire. Non. ولهذا من ذاق الشر من التائبين يكون كراهته له أعظم وتعذيره وحذره منه أبلغ لأنه عرفت بتجربة أثاره القبيحة. C'est pour cela que celui qui a goûté un péché, d'accord ? Alors tu le verras, qui a goûté un péché concrètement et qui s'en est repenti, tu le verras détester ce péché encore plus que les autres. Parce qu'il aura goûté le mal et l'amertume de cela, il ne veut pas retrouver cela. C'est pour ça que vous allez souvent voir que les gens qui entrent en islam, par exemple, qui sont convertis ou ceux qui sont repentis, qui ont connu auparavant beaucoup de mal, tu le verras souvent devenir encore plus strict dans leur religion parce qu'ils ont connu un mal, ils ne veulent plus le retrouver. Ils ne veulent plus le retrouver. Ils disent, j'ai connu ça dans toute ma vie. Et quand ils envoient les signes précurseurs, ils le reconnaissent plus que les autres. T'as des gens, ils disent, mais il n'y a pas de mal là-dedans, il n'y a rien, chez Harry, moi, ça je connais. Et j'ai déjà vu les conséquences de cette chose-là. Je ne vais pas le retrouver en islam. Donc tu vas les trouver des fois plus durs. Et qu'un autre qui n'a pas connu, il ne comprendra pas forcément. Tu vois, il va dire, t'es trop dur, ou ainsi de suite. Tu dis, non, c'est pas que je suis trop dur. C'est que cette chose-là, là, je reste prudent, je l'ai connue. Ou je connais des gens qui l'ont connue. Et j'ai vu qu'est-ce qui s'est produit à la fin. Je ne veux pas retrouver ça. D'accord ? Donc vous voyez que cette personne-là sera plus stricte. Ceux qui ont connu le mal, le jour où ce mal revient à leur porte, ils le reconnaissent plus vite que ceux qui n'ont pas connu. D'accord ? Ceux qui ont connu un mal, lorsque ce mal se présente à leur porte, ils le reconnaissent plus vite que ceux qui n'ont pas connu ce mal-là. Taïeb. Donc là, c'est ce qui concerne ce 69e hadith. Maintenant, on va prendre le 70e. يقول عن أبي ذر العفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقل كتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. Donc dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم il est rapporté par Afwan par le Bayhaqi. Il dit Abu Dhar, il n'y a pas de raison comme la méditation. Et il n'y a pas de le wara, on va expliquer c'est quoi le wara, tel que la retenue. Parce qu'à la base, le wara, c'est une retenue. On en a parlé hier dans le hadith dans le Bayn Nawawiya pour ceux qui étaient présents. Mais là, on va le reciter, Inch'Allah. Wala hasab ki husn al khuluq. Et qu'il n'y a pas, on va dire, de noblesse, qui vaut le bon comportement. يقول هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل كل واحدة منها تحتها علم عظيم. Donc ce hadith se base sur trois phrases, trois paragraphes importants, trois passages importants. Le premier, فهي في بيان العقل وأثاره وعلاماته فإن العقل الممدوح في الكتاب والسنة هو قوة ونعمة أنعم الله بها على العبد. Donc en premier lieu, on y voit l'importance du aql, de la raison, et de son impact, ça y est, et de ses signes. Car la raison, qui elle est louable dans le livre de la sunna, c'est une force pour la personne et un bienfait qu'Allah Azzawajal lui aura accordé. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre conscience des choses qui lui sont profitables, du savoir et des connaissances qui lui sont bénéfiques. D'accord ? Et également, par ce aql, il arrive à éviter les choses qui lui nuisent. Donc, Allah Azawajal, par son grand rahma, il a mis en nous un aql. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal. L'animal n'a pas d'aql. Il marche à l'instinct. L'être humain, il a un aql. L'instinct, il est là, mais il domine son instinct par son aql. D'accord ? Par son aql. Ce qui lui permet de pouvoir distinguer les choses et d'agir en conséquence. Donc ce aql nous sert en toute situation, en religion et également dans les choses de la dunya. Par ce aql, comme il dit, l'aql katadbir, ça veut dire que la raison, en réalité, sa meilleure, son apogée, c'est le fait de méditer, de réfléchir. Car c'est là que ton aql il apparaît, c'est quand tu as réfléchi, quand tu as médité, c'est là qu'il apparaît. Car quelqu'un qui fonce, qui se précipite sans réfléchir, même s'il a un aql, il s'en est pas servi. Donc celui, le aql, est celui qui analyse, qui comprend, qui discerne, puis il agit. يقول فتدبيره في الأمور الدينية. Donc en réalité, il médite sur les choses de sa religion. Par exemple, il se hâte à apprendre la religion pour connaître c'est quoi la voie à suivre. Car il sait qu'il y a des voies d'égarement en religion. Il sait qu'il y a des choses qui sont rejeté comme les innovations. Il sait qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut éviter tout cela. Et cela ne pourra le connaître qu'en apprenant par l'acquisition du savoir du ilm. Donc il s'efforce de faire les causes pour atteindre cet objectif. Pour essayer de savoir quand il parle, quand il faut parler, se taire quand il faut parler. Car aujourd'hui, beaucoup de gens parlent alors qu'ils devraient se taire. Dans mal situation. Et ils pensent qu'ils ont dit une parole de Rukala. On dit, t'aurais été quelqu'un à Akil, t'aurais pas parlé de base. C'est même pas ta parole que le mot que tu as dit ou que tu n'as pas dit, c'est que de base, tu n'avais même pas à parler à ce moment-là, et que ta parole, t'as le aql, même si des fois tu vas dire les choses vraies, il faut que tu habitues ton nefs à ne pas s'exprimer quand tu en as envie. Il y a des moments, même si tu as une vérité, d'accord, et ben tu n'as pas forcément besoin de la dire. Si celle-ci n'apporte aucun bienfait ni rien du tout, laisse, peut-être d'autres gens vont la dire, et de meilleure façon que toi, ou ce n'était pas le moment, donc t'as un aql, tu dis à ce moment-là, je sais la chose, mais je ne le dirai pas quand même. D'accord. Tu habitues ton nefs à le contrôler. Sans quoi, si tu parles, dès que tu as un commentaire à faire, tu l'exprimes et tu le donnes, tu vas passer pour un safi. Quelqu'un qui est faible d'esprit. Même s'il dit des choses qui sont vraies, on dit à lui, c'est pas donner sa langue, il est obligé, faut qu'il parle. Dès qu'il y a un truc, faut qu'il parle. Faut qu'il s'exprime. Alors qu'on n'a pas forcément besoin de sa parole, de ses expressions. Donc le aql dans sa religion, il apprend. Quand agir. Quand se maintenir, quand avancer, quand s'asseoir, et ainsi de suite. Et surtout, comment apprendre et auprès de qui apprendre, pour pouvoir par la suite appliquer et s'améliorer. Et le tadbir, le tadbir dans le ma'aïch, c'est le fait d'agir également, le fait d'agir correctement dans ce qui est relatif à la dunya. C'est que le aqil yas'a fi talab al-rizq bima yattadihu lahu annahu anfa' lahu wa ajda fi husul maqsoodihi. Le aqil, justement, c'est quelqu'un qui fait les causes pour obtenir sa subsistance en prenant les choses qui sont claires et qui lui sont bénéfiques et profitables pour obtenir, pour atteindre son but. C'est pas il est dans la confusion, il est perdu et il patauge. D'accord? Il fait les choses de façon désordonnée. Non, il fait les choses de façon ordonnée, même si elles sont peu, mais elles amènent à beaucoup. Quelqu'un qui est désordonné va faire beaucoup, il arrivera à peu. Car c'est comme quelqu'un qui a une chambre qui est mal rangée. Il cherche un stylo. D'accord? Eh ben, il va prendre v'là le temps pour trouver une chose qui est aussi simple que ça parce que sa chambre, elle est pas rangée. Celui qui a une chambre qui est rangée, il va tout trouver très rapidement. Car, à la base, la chambre, elle est claire, elle est rangée, elle est structurée, donc il sait où sont les choses. Et même si le stylo est mal rangé, c'est tellement dégagé qu'il va le voir vite. Ah ben, celui qui a une chambre qui est en bazar, il va avoir du mal à le trouver. Il a inch'Allah. Ensuite, ويدبر تدبيرا آخر وهو تدبير في التصريف والإنفاق. Également, dans la façon dont, là on a regardé de quelle façon il va gagner sa subsistance. Et autre tadbir, c'est comment cet argent il va être dépensé également. Car t'as des gens, ils gagnent leur argent correctement, mais le dépensent mal. Ils le dépensent mal, malheureusement. Ils gèrent mal la chose. D'accord? T'en as, ça va trop loin, c'est carrément une dépense dans le haram. Taïeb. T'en as, tu vas les voir, ils vont s'efforcer de trouver un travail halal, mais l'argent, ils vont mal s'en servir. Taïeb. Il va mal s'en servir. Et t'en as d'autres, l'argent, ils vont l'utiliser peut-être dans le halal, mais de façon irréfléchie. Donc Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ni ne sont, dépensiers, c'est-à-dire ils font du gaspillage, ni ne sont avares, mais ils font le juste milieu. Ensuite, il dit, الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لا وراء كالكف qu'il n'y a pas de وراء comme la retenue. Et à la base, le وراء c'est ça, c'est l'abstention et la retenue de la piété, c'est ترك ما لا يضرك في الآخرة, c'est de laisser les choses qui pourront te nuire dans l'au-delà. Les choses qui pourront te nuire dans l'au-delà, tu les délaisses, même si elles te paraissent halal au premier abord. Mais tu ne sais pas ce qui peut en aboutir derrière. Taïeb, tu ne sais pas ce qui peut en aboutir derrière, tu les délaisses. Donc, il a dit le wara, justement, c'est le fait de s'abstenir. Concrètement. Et ce hadith, on en parlait hier. Pour préserver ton honneur et préserver ta religion. Et le aqil, il voit les choses de loin. Il voit les choses de loin, que ces choses-là peuvent lui nuire. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses que certaines personnes ont déjà goûtées et ont déjà vécues, il voit les conséquences plus que celui qui ne les connaît pas. Donc des fois, il va se retenir de faire des choses que d'autres se permettront de faire, car lui, il craint hein, des mauvaises suites. Même dans les choses qui paraissent permises, ou qui le sont, mais qui peuvent aboutir à un mal par la suite, pour qui ne fait pas attention. Et la jumla thalitha, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la hasab ki husn al khuluq, qu'il n'y a pas de noblesse justement comme le bon comportement. Donc il dit ce hasab, le mot hasab, il est de deux sortes. Celui qui est lié à ta généalogie. T'as des gens, ils ont une généalogie de gens qui sont nobles, et ainsi de suite. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont un hasab qui est correct. Leur père était telle personne, leur grand-père était telle personne, leur arrière-grand-père était telle personne, ainsi de suite. Une famille noble qui est connue. Mais le hasab que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vise ici, c'est le hasab que la personne, parce que une famille noble, c'est pas tout le monde qu'en a eu une. T'as des gens, ils ont des familles, ils sont mauvaises, ils sont nés, Allah les a wafak pour être des gens bien, mais leurs descendants, ou leurs ancêtres, n'étaient pas des gens bien. Taïeb. Donc cela, c'est une chose dont beaucoup seront privés. C'est une chose dont beaucoup seront privés. Et donc le meilleur hasab, c'est husn al-khuluq. C'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Et ce husn al-khuluq ma Allah azawajal, en premier lieu, le bon comportement vers Allah, أن تلتقي أحكامه الشرعية والقدرية بالرضا والتسليم لحكمه. Donc le premier bon comportement à avoir avec Allah Azza wa Jalla, c'est d'accepter ses règles, les règles législatives et les règles universelles, de les accepter et de s'y résigner, de s'y soumettre. D'accord? Et appliquer la religion. Ça c'est le bon comportement vers Allah Azza wa Jalla et qui implique en premier lieu le tawhid, que Allah Azza wa Jalla on l'unifie dans l'adoration, dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs. كذلك le husn al-khuluq ma Allah Azza wa Jalla, c'est le suivi de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'appliquer la sunna. Et le husn al-khuluq avec les gens, c'est d'être bienfaisant envers eux et également de supporter leur mal et leur nuisance. Tu ne leur fais pas de mal et toi le mal qu'ils te font, tu essayes de faire face autant que du mieux possible et de patienter. Après tu as des gens des fois, ils ont fait un mal, ce mal il implique une sentence ou il implique de prendre une certaine position, une arme. Mais ne le pas dépasser les limites. Mais parmi les meilleurs comportements qu'on puisse avoir, justement, c'est savoir patienter sur le mal que les gens puissent te faire. Comme a dit Allah, خُذِ الْعَفْوَ وَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. D'accord ? C'est-à-dire, apprends à pardonner et fais le convenable et éloigne-toi des ignorants, des gens qui te feront du mal. Ça, c'est ce verset a été répété à Omar, radiallahu anhu, quand un homme est rentré auprès de lui pour critiquer sa façon de gouverner. Omar s'est mis en colère et a voulu, justement, faire du mal à cet homme-là. Et de là, Sahabi lui a rappelé ce verset. Et de là, Omar s'est arrêté. Il lui a dit, cet homme, c'est un ignorant, il y a Emir al-Mu'minin, ne fais pas attention à lui. Et là, Omar, radiallahu anhu, bien qu'il connaissait le verset, on lui a rappelé sur le moment, il s'est retenu, il s'est arrêté. Il l'a laissé. Non. Donc voilà, en gros, ce qu'on a pris de ces deux hadiths aujourd'hui. Et le prochain dias, inshallah, sera de ce livre-là sera biznillah ta'ala mercredi. Tayeb, fa sanaktafi bi hadha al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.